Ok, c'est U2F au promis. Le vomi coule comme la cyprine de Nomi. Je décris les crimes que j'ai commis. Je suis un bon vivant comme Gérard Depardieu. Mais grâce hargneux débarque avec des raps de mafieux. J'arrive en force, j'pète ton dos. Peur sur la ville comme Jean-Paul Belmondo. J't'en sorcelle mon gros. Les grands rimeurs à cette heure, s'il faut faire vite. Les petits dealers et les six gros persistent. On disparaît comme David Copperfield. C'est sexe, drogue et rap un peu comme Pete Doherty. Sus la bite aux vermines, on a des rimes trop techniques. Au mic, même le plus laid de mes bicotexites. Goûte à la camelote d'Al Capote. J'avance une bière aux aventurières qui ressemblent à Lara Croft. Tu verras pas nos gueules ou nos tops dans ton écran. Pendant que ça fait des tubes, on t'échange des sons de légende. La potache et Al Capote, mec, le mal est fait. La rue c'est pas au marais frais, y'a rien de marrant mon refrain. Les stars crament et les tasques restent au sol. Nous c'est Desperado style, loin des Desperados smile. Si salope, mec, le mal est fait. La rue c'est pas au marais frais, y'a rien de marrant mon refrain. Les stars crament et les tasques restent au sol. Nous c'est Desperado style, loin des Desperados smile. Salope, le jeu s'accentue, on te la mettra dans le cul. On tue comme une tarentule, on parle avec l'accent de rue. L'argent pue, la merde, le sang et la sueur. On a la fureur de vaincre mais on n'est pas d'humeur. Neuf un tueur, professionnel. Pas besoin de t'apprendre fort, Jacques Langouste, Lionel. Ouais Jacques Chirac, essaie d'écouter l'album avant. Les Sarkozy c'est vraiment pas ce qui se passe. C'est pour tous mes frères au chômage. Ceux qui crachent sur M'Pokora, ceux qui graillent des crêpes au fromage. On sert le chocolat dans du cello ou de l'alu. Violence accrue, j'allume mes crapules et mes barbus. On est devenus des gagnants à force de perdre. Salope de merde, t'absorbes le sang. Moi je te fais un rapport de guerre. Apporte de l'herbe pour nous souhaiter la bienvenue. L'alcool, le sexe sont bien vus dans nos aveux. La potache et Al Capote, mec, le mal est fait. La rue c'est pas au marais frais, y'a rien de marrant mon refrain. Les stars crament et les tasses restent au sol. Nous c'est Desperado style, loin des Desperados smile. Si salope, mec, le mal est fait. La rue c'est pas au marais frais, y'a rien de marrant mon refrain. Les stars crament et les tasses restent au sol. Nous c'est Desperado style, loin des Desperados smile. Salope, ouvrez les portes, merde, c'est la nouvelle école. Coupe les corps qui bouffent des corps, normal, c'est pour mes drogues. Chante là où le chétan veut t'embrasser, hey. Là où la haine embauche et pas qu'à temps partiel, hey. J'suis trop haut, j'crois que j'suis né dans un gratte-ciel. Dans le fin j'suis officiel, demande à tonton Marcel, hey. J't'avoue que le phone sonne plus depuis que j'ai le buzz. Star for là, y'a que des stars for que. Rime vachement sombre quand j'm'enfonce dans le mensonge. J'tape mon sang sur les ondes, j'crache mon son, sous 8-6, sous canard du chêne, bâtard du scène. Viens tête et tu te manges la banane du siècle, shit. Parano crard quand j'ai le cafard, connard j'm'arrache au bar. Après 3 vodka, les gros cadavres ont l'air de Clara Morgan. LOS gang, dès que l'équipe est lourde, défouraille les petits clous, j'débute plus court et triple et bouffe. La gros dash et Al Capote, mec, le mal est fait. La rue c'est pas au marais frais, y'a rien de marrant mon refrain. Les stars crament et les tasses restent au sol. Nous c'est Desperado style, loin des Desperados smile. Si salope, mec, le mal est fait. La rue c'est pas au marais frais, y'a rien de marrant mon refrain. Les stars crament et les tasses restent au sol. Nous c'est Desperado style, loin des Desperados smile. Salope.